Le 18, la cérémonie d'ouverture des crèches et jardins d'enfants pour orphelins de Hamou et de Hessan ont eu lieu respectivement en présence des cadres, des orphelins, du personnel des orphelinats, des constructeurs et des travailleurs des provinces du Hamgyong du Sud et du Yangon. Les orateurs ont indiqué que ces orphelinats sont de nouveaux berceaux d'amour mis sur pied par le maréchal Kim Jong-un, tout comme l'amour pour les enfants des grands leaders, et souligné de s'acquitter de la responsabilité et de la mission pour former les enfants en relève de la patrie et continuateurs de la révolution, en s'inspirant profondément du noble concept du parti envers la postérité. Au terme des cérémonies d'ouverture, les participants ont félicité les orphelins.